Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va découvrir les incroyables aventures d'Inspecteur Piu Piu. Comment ça va Sophie? Ben ça va bien. Alors du coup, est-ce qu'on a un petit jingle pour Inspecteur Piu Piu? Non. Ah, j'ai pas de jingle, non, mais oh, on est sur une sale affaire, crois-moi. Non. Moi qui essaye de la jouer sérieusement. Et toi qui choisis le travers inverse. Oui, oui. Écoute, voilà. À contre-courant. Eh oui, Inspecteur Piu Piu. Alors non, il n'a pas de d'hélico dans son chapeau. Voilà. Mais il a de super spécimens à analyser dans son laboratoire. Ah, voilà. Trop bien. Et on aura l'occasion de parler de lui dans la toute première partie de l'émission. Et toi, Sophie, tu vas nous discuter? Bah, on avait déjà parlé d'Hill dans le podcast et j'avais envie de continuer avec peut-être quelque chose qui est un poil plus proche de chez, enfin plus proche de chez nous, pas forcément géographiquement parlant, mais plus proche de chez nous au niveau temporalité, parce que il y a des îles qui sont apparues récemment et la vie est récemment apparue sur ces îles aussi, parce qu'il a bien fallu les coloniser. Mmh. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ça s'est produit. Petit indice, les oiseaux sont les principaux coupables. Oh là là, hey. Attention, ah bah Inspecteur Piu Piu va exactement. Enquêter du coup, et bah pour voilà. Savoir quels sont les oiseaux qui et sont, bah, qui sont les suspects. Exactement. Bah avant tout ça Sophie, avant d'introduire notre cher Inspecteur Piu Piu, on va parler de cette rétro Piu Piu. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as découvert comme petit sujet lors de cette dernière semaine et demie? Parce que nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on avait discuté ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Alors écoute, moi je suis partie un peu aux quatre coins du monde, donc j'ai des petites news d'un peu partout. Et on va commencer super. Avec une news qui nous vient de Turquie. Alors c'est un petit article qui est posté sur Ornithomedia, pour celui-là qui est en français, donc pour aller voir. Et il semblerait que certaines espèces de petits ducs, notamment les petits ducs Scops, déposeraient des petits serpents dans leur nichoir, donc chez eux directement, hein, voilà, pour lutter contre okay. les insectes parasites, parce que les petits serpents en question vont manger les petits parasites. Voilà, c'est pas mal, hein. Alors vous prenez un comprimé anti-parasite et eux, ils mettent des serpents. Écoutez, chacun sa technique. Voilà. Incroyable. Bon, moi j'ai une nouvelle un petit peu moins joyeuse parce qu'on va parler de grippe aviaire. Ah, zut. C'est la migration des oiseaux en France qui bat son plein ces derniers temps. Et malheureusement, eh bien, cette année, les oiseaux les plus ciblés par la grippe aviaire sont les grues cendrées. Aïe. 95% des contaminations de la grippe aviaire sur les oiseaux sauvages ont été recensées au niveau de grues cendrées. Et malheureusement, c'est une véritable hécatombe, notamment au lac de Der et dans toute la zone humide de la Champagne-Ardenne. On estime qu'il y a environ... de tous les cadavres et de tous les animaux qui auraient été retrouvés en date du 5 novembre, donc au moment où on enregistre cet épisode, environ 6000 individus qui auraient été malheureusement retrouvés décédés zut. Dans le lac du Der et sur les zones à proximité. Et quand on sait que le lac de Der est une zone extrêmement importante pour les grues cendrées, eh bien, on se pose d'énormes questions concernant le devenir de la population, puisque c'est en général environ 450 000 individus qui passent chaque année aussi bien sur la réserve du lac de Der que dans les zones humides à proximité. Mmh. Oh là là, mince. Bon, bah est-ce qu'on sait combien de... quelle est la population totale de ces grues cendrées au niveau nombre d'individus on a une idée de la perte que ça représente? 450 000 individus au total chaque année passent justement dans ces eaux-là. Et là, on serait à 6 000 individus donc, qui auraient été retrouvés, comme je l'ai dit, en date du 5 novembre. Donc, il se peut que le nombre de la mortalité soit plus importante lors des comptages qui vont être faits ultérieurement. Mm-hmm. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le courrier de la Sterne. Mais cette année, eh bien, ce sont les grues cendrées qui prennent de plein fouet la maladie. Aïe, bon. Bon, bah, c'est pas très drôle tout ça. Et non, malheureusement. Malheureusement. On rappelle, hein, Sophie, geste simple, si jamais vous trouvez un oiseau, déjà vous ne le manipulez pas, ça c'est un point très important, et vous contactez tout de suite le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche, et si vous êtes dans un parc en ville, parce que ça peut arriver aussi qu'on ait ce genre de problème, contactez votre mairie et les préfectures également, le cas échéant, mais généralement les préfectures sont contactées assez vite par les centres de sauvegarde et autres autorités qui... dont dépendent les différentes zones où l'oiseau peut se trouver, où les cadavres ont pu être trouvés. Voilà. Exactement. Et si jamais vous n'avez pas de centre de sauvegarde par chez vous, un veto fera tout à fait l'affaire. Absolument. Gants et masques, hein, bien sûr. Ah bah oui. La grippe reste un virus respiratoire, mais vous en avez évidemment l'habitude. On rentre dedans, voilà. C'est la saison, youpi. C'est la saison. Bon ben moi de mon côté, je vais vous emmener, j'avais dit, hein, je vous emmènerai un peu partout dans le monde, donc on va partir pour Mexico. Super. Voilà, et donc à Mexico, ils ont enfin décidé, voilà, en novembre 2025, d'une nouvelle stratégie pour protéger les oiseaux, et notamment les oiseaux endémiques de la région. Et donc c'est un nouvel effort en conservation, en développement durable évidemment, et en participation sociale qui est en train de se mettre en place à Mexico, et on espère que ça va se poursuivre, parce que pour l'instant, c'est notamment financé par le gouvernement, et ça s'appelle le NKENCA, National Bird Conservation Strategy, et voilà, c'est une initiative pour protéger donc, les espaces naturels aussi du Mexique. Depuis que le gouvernement a changé il y a environ un an, un petit peu plus d'un an maintenant, on a effectivement beaucoup plus... une mise en place de la politique écologique beaucoup plus importante que par le passé. Donc il faut effectivement encourager ce genre de pratique-là. Voilà. Ça peut peut-être donner des idées à certains et à certaines, qui sait. Et le point intéressant, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup de plus en plus dans le monde, c'est l'interaction entre les écosystèmes et l'humain. Et donc, au cœur du programme de l'ENCA, on a cette interaction entre la vie humaine et donc le bien-être humain et la bonne santé des écosystèmes autour de nous. Et ça, c'est un point super important. Très, très important, effectivement. Sophie, on va rigoler un peu. Non, malheureusement, parce que c'est un peu sordide. C'est un peu sordide, malheureusement. Est-ce que tu sais ce que c'est que les bird breaks ? Les bird breaks, des oiseaux qui cassent, je sais pas. Les oiseaux qui cassent, bricks, ah, pas bricks. Ah, bricks. Non, je sais pas, du coup, donc, les briques oiseaux, voilà. La réunion des oiseaux du sud, je sais pas. Alors, ça a un rapport avec les baleines, Sophie. D'accord. Les baleines, ok. Eh oui, parce qu'il faut savoir que les baleines, elles ont un régime alimentaire composé généralement de krill, de phytoplancton. Mm-hmm. Et des fois, parce que les baleines ont une très très large gueule, eh bien, elles attrapent par mégarde certains animaux qu'elles ne devraient pas manger. Notamment des oiseaux. Voilà. Oh, alors, pour les plus grands... la bouche de la baleine peut se réouvrir et donc l'oiseau peut échapper à une mort certaine. Par contre, pour les plus petits, c'est un peu le bazar parce que la baleine, elle digère pas l'oiseau. Ah. Elle digère pas l'oiseau. Donc, ce qui se passe, c'est que l'oiseau traverse le corps de la baleine et est rejeté, évidemment, sans être digéré, dans une mort absolument terrible. Et ça s'appelle donc des bird breaks. Voilà. Oh. Et l'utilisation, plutôt les comment dire, la... Ah, j'ai oublié le terme, zut. j'arrive plus à me souvenir. L'analyse, voilà, l'analyse de ces bird breaks permet, eh bien, par la suite, de déterminer parfois la présence de certaines espèces dans certaines parties du monde. Voilà. Donc, mine de rien, même si les oiseaux ont une mort terrible, certains diraient une mort de merde, ils auraient raison, eh bien, ça peut nous permettre de retrouver les différentes espèces et par la suite, eh bien, pourquoi pas de retracer, par exemple, des aires de répartition plus grandes ou différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, merci les baleines, malgré tout. Pauvre bestiole, quand même, pauvre oiseau. Oh mon dieu. Voilà, voilà. Rien que d'y penser, je. Ouais, non. Ah, c'est. J'ai un élan de compassion pour Jonas et sa baleine. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Hein. Oh mon dieu. Oh. Non, non, j'ai pas envie de l'imaginer, non. Ah une image en tête. Oh. Il y a des photos qui circulent sur le net si vous voulez si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et être à tout jamais. Et être à tout jamais marqué. Jamais marqué. Oh mon dieu. Et voilà, c'est sur cette histoire que moi j'arrête ma rétro, mais Sophie, toi tu as encore une petite découverte à nous partager. Bah, on continue notre tour du monde par un tour en Afrique, et on va du côté de l'Ouganda. Et en Ouganda, il y a on était entre une et deux espèces endémiques de l'Ouganda, et jusqu'à récemment, la deuxième espèce endémique de l'Ouganda, bah, on était en train de se demander où elle était passée, parce que bah, personne ne l'avait vue depuis un moment. Et il semblerait qu'elle soit réapparue il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle le Fox Weaver, donc c'est un petit tisserin. Il est jaune, principalement sur le ventre et sur la tête, avec un masque noir et le dos qui est plus dans les brun-jaune, plus ou moins. Il y a des couleurs un peu différentes sur les plumes de vol. Mais en gros, c'est plus ou moins ça les couleurs. Et ce petit tisserin, c'est un petit passereau, hein, c'est pas grand-chose, a été redécouvert il y a pas longtemps à côté d'un petit village dans l'est de l'Ouganda. Et il paraît que il est finalement assez facile à voir à cet endroit-là, parce qu'en fait, il y a un problème de mauvaise identification d'oiseaux. Et on pensait que c'était une autre espèce, et puis bah, c'est pas le cas. Et donc c'est lui, donc on l'a retrouvé. Incroyable. Voilà. Alors, donc uniquement dans cette zone géographique. Ouais, donc c'est pas très loin du lac Opita, pour ceux qui connaissent, juste à l'extérieur de la réserve naturelle de Pian Upé. Et en fait c'est la première fois depuis 40 ans qu'on a réussi à prendre une photo de cet oiseau-là, et de la poster sur, je crois que c'était sur eBird pour identification, et ça a fait effectivement le tour des réseaux, et bah c'est bien la bestiole en question, donc voilà, ça fait 40 ans qu'on l'avait pas vu quand même, ça fait et beaucoup. Eh bah, bon retour parmi nous, voilà. Quelque part. Re-bienvenue à ce petit tisserin, et puis si ça vous intéresse d'aller le voir, voilà, c'est à cet endroit-là que vous pourrez le voir, et il semblerait que ce soit assez facile à voir, parce qu'il y en a pas mal dans la région, d'après ce que disent les gens du coin. Voilà. Eh ben super, super. Ben c'est ainsi, sur une bonne nouvelle, que se termine notre rétro piou-piou. D'ici quelques instants, on va vous faire découvrir le rôle d'inspecteur piou-piou. Alors Sophie, t'imagines-tu quand je te parle d'inspecteur piou-piou? Bon, je te mentirai pas, j'ai la tête d'inspecteur gadget devant moi, avec peut-être 2-3 plumes sur le haut du crâne, et puis voilà. Ah, mais tu vas changer, à mon avis, ta façon de penser le personnage. Ah bon, quand on va parler un petit peu de Paper Trail. Voilà, c'est le nom notre fameux inspecteur. Alors non, c'est pas un nom de code, il s'appelle vraiment Paper Trail. Du moins, j'ai pas trouvé d'autres noms et prénoms sur internet. Donc on va l'appeler Paper Trail. Paper Trail, eh bien, en 2013, il reçoit des colibris. Voilà. Il y a des gens comme ça qui reçoivent des colibris. D'accord. Voilà, il y a des gens comme ça qui reçoivent des colibris. Non, mais écoute, alors on l'avait dit. Vivant ou mort du coup? Bah, Ah bah c'est ça la véritable question, Sophie. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà parlé du colibri, on avait parlé de l'importance du colibri, notamment au Mexique, avec notamment le dieu Huitzilopochtli, qui était très important pour les Aztèques. Mais au cours des derniers siècles, des dernières années même, pour le coup, on va revenir sur le pourquoi ces dernières années, eh bien, les colibris sont devenus quelque part victimes d'un rituel un peu sinistre, à savoir les charmes d'amour, des espèces de talismans que l'on a et qui auraient, par superstition, eh bien, la possibilité de faire tomber quelqu'un amoureux de vous. Oh. Voilà. Et donc, certains brujos, B-R-U-J-O-S, donc ce sont grosso modo des personnes qui pratiquent de la sorcellerie, affirment que porter un colibri près de son cœur pourrait justement matérialiser quelque part ce rituel. Et malheureusement, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui croient cela, si bien qu'il y a une demande qui s'affaire pour ces talismans. Et donc, des colibris sont piégés illégalement, ils sont tués, ils sont enveloppés dans un tissu rouge avec des herbes, et puis ils sont vendus comme des amulettes appelées chupa rosa. Voilà. Chupa rosa. Alors évidemment, oui, chupa rosa. Et donc évidemment, le braconnage exerce une pression supplémentaire sur les espèces de colibris. C'est environ une dizaine d'espèces de colibris qui seraient eh bien, visées par ces brujos. Et donc, en 2013, Paper Trail reçoit une livraison de 43 colibris. Pareil, ils découvrent que ces oiseaux ont été enveloppés dans un tissu avec de l'herbe. Ils découvrent que ce sont donc ces fameuses amulettes, ces fameuses chuparosas. Et son objectif, c'est de déterminer la cause de la mort de l'oiseau. Il voit qu'il n'y a aucune blessure par balle, qu'il n'y a pas de décapitation, que le plumage coloré des divers colibris ont été conservés, et donc il conduit à la conclusion que les oiseaux ont été malheureusement délicatement écrasés à mort un à un, donc au niveau sans doute de la carotide, par une main humaine. Et c'est ça le travail de Paper Trail, ou plutôt c'était ça son travail. Pendant 22 ans, il a servi dans le US Fish and Wildlife Service, qui se situe à Ashland, dans l'Oregon, au département de criminologie. Et oui, on a un département de criminologie lorsque l'on étudie l'environnement. Et donc son rôle, il était très simple, il devait identifier les oiseaux qui lui étaient rapportés, oiseaux ou autres animaux, mais lui était beaucoup plus spécialisé au niveau des oiseaux. Alors, quand je dis département de criminologie, il n'y a pas juste Paper Trail qui travaille, il y a un laboratoire médico-légal qui est extrêmement sophistiqué, avec des experts en balistique, un département de génétique et de pathologie, un laboratoire de biosécurité de niveau 3, ce qui correspond à un niveau très élevé, et on a même des techniques de séquençage de l'ADN, ce qui est logique, hein, parce que la génétique nous permet de déterminer l'espèce en question. Et donc bah, tout ça fait que ce département a pour objectif de traiter environ plus d'une centaine d'affaires au niveau des oiseaux, et ce, depuis grosso modo les années 60, quand Roxy Colley Leybourn, qui est une ornithologue extrêmement importante, et je dis bien une ornithologue extrêmement importante aux États-Unis, puisque c'est la pionnière dans cette, quelque part, détermination des différents oiseaux et de la cause de leur mort. Et elle avait étudié le cas d'un accident d'avion, un accident mortel d'avion, et elle avait conclu que c'était une volée d'étourneaux sans sonnet qui avait justement provoqué l'accident. Et donc, par la suite, eh bien, le laboratoire s'est développé Et en 1998, par un pur hasard, eh bien, c'est Pepper Trail qui a l'occasion, pour la première fois, de rejoindre ce poste d'ornithologue légiste. C'est vraiment la dénomination qui est utilisée, ornithologue légiste. Et sa première affaire, c'était de déterminer l'identité de plusieurs rapaces par l'intermédiaire de leurs plumes. Et pour cela, eh bien, il a pu s'aider d'une collection de plus de 11 000 spécimens provenant du monde entier, appartenant à plus de 1600 espèces. Donc c'est extrêmement important. Et vous allez me dire, mais du coup, à quoi ça sert de savoir quelles espèces ont été tuées ou qu'est-ce qui a causé la mort de tel ou tel individu ? Eh bien, ça sert devant les tribunaux. Parce que le travail d'identification de Pepper Trail, il est extrêmement important, puisqu'il a pour l'occasion d'apparaître parfois dans des procès, et ses conclusions doivent être solides devant un tribunal pour déterminer la gravité de l'accusation qui est prononcée vers les suspects. Parce que en fonction des oiseaux qu'on va avoir, eh bien, on va avoir des règles plus ou moins importantes qui vont être enfreintes, et notamment si l'oiseau est protégé. Et donc forcément, on va avoir quelque part la nuance de la protection animale au niveau national ou au niveau international. Dans un article de, je crois que c'était la Audubon Society, si je ne dis pas de bêtises, il parlait par exemple d'un trafic qui avait lieu du Pérou à l'Allemagne, pour décorer des chapeaux de polka. Voilà. Et donc il a eu l'occasion de polka. Ah, oui. Et donc il a eu l'occasion de remonter l'intégralité de l'affaire pour, eh bien, par la suite être une pièce déterminante dans le dossier. Et donc, il peut faire, il peut être amené à étudier beaucoup d'espèces et beaucoup d'affaires. Ça peut être du trafic illégal, bien sûr. Ça peut être des oiseaux qui sont maintenus en captivité pour un trafic ultérieur. Mais tu sais, c'est les oiseaux qui sont enfermés dans des bouteilles que l'on fait passer aux frontières. Donc, il est amené aussi à traiter ce genre de cas. Il est amené également à traiter des cas d'empoisonnement. Et c'est au total plus de 800 espèces qu'il aurait identifiées durant toute sa carrière. Et c'est non seulement une identification importante et intéressante pour les affaires criminelles en question, mais aussi pour l'ornithologie. Parce que en étudiant de très très proche la forme des plumes ou leur couleur, eh bien, on a pu déterminer, grâce au travail de Pepper Trail, plusieurs caractéristiques permettant de déterminer une espèce plutôt qu'une autre, ou un âge plutôt qu'un autre. Et donc, grâce à tout ça, eh bien, Pepper Trail a fait progresser le domaine de l'observation en ornithologie, et on a, grâce à lui, eh bien, des informations plus, on va dire, précises sur certaines espèces d'oiseaux, et notamment les rapaces. Rapaces et passereaux sont environ 50% de toutes les affaires qu'il a eu l'occasion de traiter durant toute sa vie. Et je dis bien durant toute sa vie parce qu'en 2021, notre cher ami a pris sa retraite à 68 ans. Il en avait marre d'étudier des oiseaux morts. Il voulait, écrire des poèmes. Il voulait, parce que c'est un passionné de Charles Darwin, se déguiser en Charles Darwin et donner des conférences scientifiques autour des découvertes du célèbre scientifique. Et le poste n'est pas resté vacant, puisque il a eu, dès 2017, une personne sous son aile du nom d'Ariel Gaffney. Et Ariel Gaffney est devenue de sa suppléante, directrice de ce laboratoire, pas comme les autres. Elle est devenue non pas inspecteur piou-piou, mais inspectrice piou-piou. C'est comme ça que se termine cette petite histoire de Pepper Trail et donc de ce métier pas commun d'ornithologue légiste. Incroyable, hein ? Mais c'est incroyable, franchement. Y a rien Est-ce à que faire. Tu as ça, hein. Sophie? Est-ce que tu as ça, Sophie, toi, de ton côté? Ah ben, on m'a demandé de temps en temps d'identifier des oiseaux morts, c'est vrai, mais alors j'ai jamais pensé être légiste pour oiseaux, non. Ça, c'est nouveau, ça. J'avoue. Il avait parcouru plusieurs continents, enfin plusieurs pays, et fait plusieurs découvertes sur les oiseaux. Il a mené plusieurs recherches sur les oiseaux. Et Et puis en oui. fait, il a suivi sa femme, qui était médecin elle aussi dans l'Oregon. Et puis il a visité le laboratoire. Et puis il a été appelé du jour au lendemain. Et Incroyable. voilà, pendant quasiment plus de 25 ans de sa vie, c'est devenu son métier à part entière. C'est C'est fou, incroyable. Oh, ah oui. Oh là là. Ah, franchement, il y a des hein? expériences comme ça, tu sais. Puis alors, c'est marrant parce que quand on te demande tu fais quoi dans la vie et que tu dois expliquer ton métier, ça doit toujours mener à des conversations absolument passionnantes. Ah non, j'adore ça. Voilà. Je ne sais pas si on a ça du côté de l'OFB, peut-être. Oh, J'en ça ai doit pas certainement connaissance. exister. Ah oui. Mais ouais, mais c'est Puis. peut-être plusieurs personnes du coup qui doivent travailler à mon avis Oui, de concert, certainement. je ne sais pas, voilà. Après, Je ne il est sais pas, je ne possible sais pas. que quand il y ait des questions comme ça, soit dirigées vers les scientifiques, tu sais, du Muséum d'Histoire Naturelle ou c'est des spécialistes, et on envoie la photo de la bestiole et puis on dit c'est quoi. Et voilà. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de gens spécialisés là-dedans, mais qu'ils se basent, ils utilisent les compétences des autres. C'est possible. Alors Sophie, est-ce que tu penses toujours à Inspecteur Gadget Ouais, non, après ça tout n'a ce que pas je t'ai changé. raconté? Mais maintenant, il Ah a un c'est vrai, petit ça n'a oiseau, pas mais changé. maintenant, il a un petit oiseau sur la tête. Maintenant il a un tout petit oiseau sur la tête. Gogo Gadget oiseau. D'accord. Exactement. Gogo Eh bah Gadget au tu sais quoi colibri. Sophie? Dans mon chapeau, il y a Gogo Gadgeto, deuxième partie, et c'est après ça. Oh, la transition. Ah bah ouais, on essaie de faire le mieux possible. Ah bah, ok. Des Non, mais je États-Unis te tire mon à chapeau, du coup. l'Islande. Oh, Hein? incroyable. N'est-ce pas? Incroyable. Oui, à Des l'Islande. États-Unis à l'Islande, du coup. Exactement. Alors, bon, vous êtes certainement au courant que de temps en temps, il y a des nouvelles îles qui se forment dans plein d'océans ou de mers à droite à gauche, sous l'effet du volcanisme principalement, donc notamment lorsqu'on a des points chauds qui se forment et qui font sortir donc du magma qui ensuite va venir se solidifier en surface pour faire bah, une petite île, voire même un atoll si le point chaud est assez efficace et qu'il le fait plusieurs fois. Alors, juste pour information, le point chaud, c'est du volcanisme que l'on trouve en milieu de plaque. Généralement, on a du volcanisme en bordure de plaque. Sauf que le volcanisme de point chaud, c'est un peu comme celui d'Hawaï, ou même d'ailleurs celui de la chaîne des Puys. C'est aussi du volcanisme de point chaud. Exactement. Et de temps en temps, on en a un comme ça qui sort, paf, au milieu de l'océan, et puis voilà, ça fait une île. Et voilà, et paf, ça fait des chocs à pic, et paf, ça fait une île. Et donc, la petite île de Surtsey, du côté de l'Islande, c'est exactement ce qui lui est arrivé, parce que ça s'est passé donc dans les années 60, pour être exact, le 10 novembre 1963. Elle a commencé à se former à cause d'un volcanisme, donc, et la surface, elle a atteint la surface normalement autour du 14 novembre. On a vu le premier magma arriver en surface, donc au-dessus de l'eau, et l'éruption s'est terminée le 5 juin 1967. Avec une île donc qui s'est formée au final avec une superficie finale entre 2 et 3 km carrés, donc c'est pas énorme, hein, c'est une petite île qui en plus s'érode petit à petit parce qu'avec l'effet des courants marins autour, bah, l'eau ça finit par grignoter un petit peu et depuis qu'elle s'est formée, donc depuis les années 60, elle a perdu petit à petit en taille et jusque, je crois, dernièrement. Alors dans les années fin des années 2000, on était à 1,4 km, 1,4 km, il me semble, quelque Ah chose oui, comme ça. d'accord, Donc ça a ça bien s'érode été assez rapidement quand grignoté. même. Voilà. Mais Malgré son érosion, c'est un endroit très très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'étudier quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'étudier, qui est la colonisation. Alors attention, je vous arrête tout de suite, c'est pas la colonisation à laquelle vous pensez avec Christophe Colomb qui va découvrir les Amériques. Hein. On est parti sur la colonisation par les plantes, par les animaux, de tout poil et de toute plume. Et évidemment, on va parler aujourd'hui des oiseaux. Alors, la petite île de Surtsey, donc, est à peu près à une trentaine de kilomètres au large des côtes islandiques. Oui. Et du coup, elle est plus au sud d'ailleurs, donc elle est un peu plus proche de nous que l'Islande. Enfin, si vous habitez en France, évidemment. Voilà, 30 kilomètres, ça va. Ouais, il y a quand même quelques kilomètres, mais bon, c'est un poil plus proche. Voilà, vous y arriverez avant d'atteindre l'Islande, en fait, si vous partez en bateau. Voilà, ça, c'est pour... Non, mais c'est... Voilà, je précise, en vrai... Et, si ça se trouve, elle aura disparu. Elle aura disparu le temps que vous arriviez, on ne sait pas. Mais j'aurai une petite anecdote à raconter sur ce truc-là pour la fin, donc on va garder ça pour la fin. Alors, depuis les années donc, 60, les scientifiques se sont intéressés à ce petit lieu de colonisation, et il faut savoir que quasiment dès le début de la sortie de cette île, en fait, elle a déjà été colonisée. Alors, colonisée par quoi, me direz-vous? Qu'est-ce qui peut coloniser une île en premier? Eh bien évidemment, c'était un oiseau. Et alors, et alors la bestiole. Il avait un petit drapeau ou pas du coup pour. Alors je pour sais pas, que parce qu'on l'a pas retrouvé. En premier. Non, bah on l'a pas retrouvé, ah, c'est du on-dit. Hein. Ah ouais, bah, je suis désolée. C'est du on-dit. C'est du on-dit, voilà, c'est du on-dit. Mais je suis même pas sûre qu'on ait des photos d'ailleurs. Je suis même pas sûre qu'on ait des photos, mais on a eu un recensement qui s'était fait le 1er décembre 1963, donc juste 2 semaines après le début de l'éruption, okay. En gros. On a vu des oiseaux qui sont arrivés, et les premiers qui s'y arrêtent, et qui recherchent, parce que certainement qu'ils cherchaient des lieux de nidification, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils sont venus voir ce qui se passait, hein, voilà, parce qu'ils étaient curieux, certainement. Ça aurait été des goélands qui se sont posés sur l'île, et qui sont venus voir s'il y avait un truc intéressant. Bah, donc... les goélands sont venus voler l'île, c'est... Alors, de toute façon, voilà, on s'en doutait, les goélands, c'est comme ça. Ils viennent chourer vos frites, et puis ils viennent chourer des îles aussi, au passage. Voilà, ça commence par les frites, et après c'est les îles, et après îles. C'est le monde. Exactement. La domination du monde. Bref, donc ça a été la première espèce à se poser sur l'île, donc le goéland. Et ensuite, pour la première espèce à venir vraiment nidifier sur l'île, ça a été le guillemot à miroir et le fulmar boréal en 1970. Donc on est 3 ans à peu près après la fin de l'éruption. Ce qui est quand même assez rapide hein, pour la colonisation d'un endroit. 3 ans, c'est pas long, hein, c'est pas très long. Surtout quand on parle de nidification directement, parce qu'on pourrait penser que les espèces d'oiseaux sont quand même assez inféodées à leur lieu de nidification, surtout quand on voit les grandes colonies d'oiseaux marins, hein, des endroits souvent qui sont assez gigantesques, où les parents reviennent tous les ans, et puis ensuite les enfants reviennent après pour venir nidifier. Donc c'est assez intéressant de voir que... Rien qu'en 3 ans, finalement, on peut avoir un changement des habitudes et une nidification qui s'opère sur un nouveau bout de terre. Ça, c'était intéressant. Ensuite, ces deux espèces ont été suivies par plein d'autres espèces d'oiseaux, notamment le goéland marin, dont on vient de parler, qui avait déjà fait sa petite étape de reconnaissance avant, la mouette tridactyle, qu'on connaît bien, une sterne arctique, et le goéland argenté, puis le goéland brun, et plein d'autres goélands, et des bergeronnettes, des pipites, des oies, des macareux, enfin, et même le grand corbeau. Bref, il y a plein d'espèces là-dedans. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, oui, bon, là, je crois qu'on a aussi des anatidés, il y a des cygnes, enfin bref, il y a des crabiers, il y a des orioles, enfin, il y a plein de trucs. Avec des petits échassiers aussi, limicoles, des tournepierres, des huîtriers, etc. Et tous ces oiseaux-là, donc, sont arrivés sur l'île et ont commencé à coloniser, donc à se reproduire. Alors, pas forcément tous à la même période, ils sont pas arrivés 3 ans tous après la fin de l'éruption, mais enfin, ils sont quand même là en ce moment. Je crois que le dernier à venir sur l'île, ça a été le macareux moine autour des années 2004, ce qui est d'ailleurs assez curieux parce qu'on a une colonie, d'ailleurs la plus grande colonie de macareux moines, qui est quand même pas très très loin, et on aurait pu se dire que bah, ça aurait été parmi les premiers à venir coloniser l'île, mais il semblerait que les macareux moines soient quand même vachement plus attachés à leur lieu de nidification et de reproduction que les autres espèces d'oiseaux marins, donc à noter quelque part, c'est intéressant à noter. Oui, ils avaient la flemme de faire 30 km aussi. Écoute, je suis pas allée poser les questions, mais si tu veux faire un micro-trottoir, n'hésite pas. Ça va être compliqué d'aller en Islande pour ça. Oh, bah, écoute, je sais pas, je propose. Je vous propose. Alors, ce qui va être très intéressant, ça va être aussi l'étude de la colonisation par les plantes et par les insectes. Alors, ce qu'on pensait jusqu'à récemment, c'est que la colonisation par les plantes, c'était généralement la première colonisation qui allait se faire, parce que c'était beaucoup plus simple tout simplement à transporter bah, par le vent, par exemple, avec des graines qui vont avoir des petits... des petites structures un peu particulières pour se faire transporter plus facilement par le vent. On pense notamment aux graines à hélice, on pense à ce genre de choses qui vont pouvoir être emportées rapidement, ou tout simplement les graines avec les espèces de petites... de petits pompons au-dessus pour être facilement transportables par le vent. Quand vous soufflez sur un pissenlit, c'est exactement ça. Bref, on pense à ce genre de plantes qui vont pouvoir être transportées facilement et qui vont pouvoir arriver sur des îles, surtout que je vous ai dit que celle-là, elle n'était pas si loin, elle est qu'à 30 km des autres îles islandaises, donc au final, ma foi, pourquoi pas? Un coup de vent et hop, c'est bon. Et bien en fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le sujet d'un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, d'une étude donc très longue durée, hein, parce qu'on commence à étudier ça à la fin des années 60, évidemment. Et en fait, ils ont trouvé que c'était pas les espèces sur place, donc les espèces de plantes. Alors on a des lichens évidemment, on a des mousses, et puis on a après des plantes vasculaires, des graminées, ce genre de choses qui sont arrivées sur l'île. Et ils ont constaté que les plantes qui sont arrivées sur l'île, c'est pas du tout celles qui avaient des adaptations pour être transportées par le vent. C'était celles qui s'étaient faites récupérer d'une manière ou d'une autre par les oiseaux. Et c'est les oiseaux qui avaient en fait enclenché la colonisation de l'île en rapportant soit dans leurs fientes, soit dans leurs pattes, soit sur leurs plumes, et ben des graines de ces espèces-là, ou des morceaux de ces espèces-là, selon les cas, et qu'ensuite, ça se serait répandu sur l'île. Donc Oh, en c'est fait, facile. voilà, donc encore une fois, la nature nous étonne, donc les oiseaux seraient moteurs de la colonisation de ces endroits-là en transportant les plantes. Et alors, c'est pas le seul truc qu'ils transportent, parce qu'ils vont aussi transporter des spores de champignons, et en plus, ils vont aussi transporter des insectes et des invertébrés en tout genre, parce qu'il y a plein de trucs qui se baladent sur leur plumage, voire des parasites dans leur fiente, hein, ça c'est possible aussi, qui vont se faire ramener ensuite sur l'île et qui vont donc tout coloniser. Donc on a maintenant des vers de terre, on a des collemboles, on a plein plein de trucs qui sont sur l'île et qui ont été ramenés par les oiseaux. Incroyable. Voilà. Et ça, c'est quand même assez Incroyable. incroyable. Et Ils sont l'avantage... trop forts. Ah, ils sont trop forts, hein, t'as vu? Les super-héros oiseaux. Et Ah bah. l'avantage de cette colonisation par les plantes, c'est qu'en fait, ça va freiner tout ce qui est érosion. Parce qu'évidemment, cette île, on en a parlé au début, c'est une île qui va se faire éroder à la fois par le vent, les vents marins, etc., mais aussi par le contact de l'eau sur les côtés avec les courants marins, cette fois-ci, qui vont venir rogner, racler petit à petit, manger le bord de l'île. Et bien, si vous mettez des plantes sur le dessus de votre île, vous avez beaucoup moins d'érosion qui va se passer par le vent parce que les plantes seront là pour prendre la majorité du vent et pour tenir le terrain plus ou moins avec leurs racines. Et c'est pareil pour le côté courant marin parce que si vous avez des plantes suffisamment grosses, et bien, ça va pouvoir peut-être maintenir un peu plus haut. Bon, ça ce sera pas éternel évidemment, mais ça pourra maintenir quand même une certaine cohérence du substrat sur cette île un peu plus longtemps. Voilà. Eh ben, incroyable. Les oiseaux sont trop forts, comme Encore une d'habitude. fois. Vive les oiseaux. En Ça fait quand plus, même. on a eu de la chance en plus parce que Surtsey est une île qui a été documentée dès sa sortie. Et ça c'est incroyable. On a des images qui existent de. Je crois même qu'on a des vidéos de la sortie de l'île de Surtsey, ce qui est incroyable. On a des photos, on a tout Et plein de le. trucs. Et le fait qu'on ait des naturalistes ou des ornithologues qui aient eu l'idée de se demander, qu'est-ce qu'il va y avoir comme oiseau en premier sur ce caillou naissant, c'est vraiment génial, vraiment Allez, oui. génial, incroyable. Eh oui. Bon, je comprends pas pourquoi le grand corbeau, par contre, il est là, mais il s'est perdu. Il y a un peu de... C'est. Je veux dire, il y a même la bergeronnette sur place. Alors, voilà. Ah. il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Hein. Des Incroyable. orioles, ce genre de trucs, tu sais, ça fait quand même un peu curieux. Bon, c'est quand même des choses qui n'ont pas été observées très très régulièrement, donc on peut se dire qu'ils se sont peut-être retrouvés là par accident, un coup de vent et hop. Ouais, c'est peut-être effectivement des oiseaux qui venaient des États-Unis, par exemple, et qui sont dit, oh, tiens, un petit rocher sympa, nouveau, là, tranquille. Après, le grand puis, corbeau, on pense qu'il nidifie, donc à l'intérieur des deux cratères ah de ouais, l'île. Ah ouais, carrément. Ok. Ouais, mais par contre, on n'a jamais retrouvé ses œufs, mais il y a des nids et ce genre de choses, donc on suppose que... par contre, toutes les espèces que j'ai citées ne sont pas forcément nidificatrices sur l'île, donc on a des choses qui vont être migratrices et qui utilisent l'île comme lieu de repos, tout simplement. Donc tout ce qui est pit-pit, trachémoteux, enfin bref, ce genre de choses, ce sont des oiseaux qui vont utiliser l'île comme plateforme pour se reposer 2 minutes avant de repartir. Ils ne vont pas nidifier sur parce place. Que... On rappelle que l'île appartient aux goélands, voilà. Exactement, depuis, il faut payer un droit de passage, voilà. Il faut payer un droit de passage. Et... Allez. Un cornet de frites. Ah bah, à 30 km de là. Ah oui, surtout que l'île n'est pas habitée, évidemment. Bon, j'ai pas précisé, mais enfin, ça va de soi. Si vous avez étudié toute l'arrivée de ces espèces d'oiseaux sur l'île, et aussi la colonisation par les plantes, c'est surtout qu'il n'y a personne sur l'île à part eux, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est facile à étudier, voilà. Donc bon, après, toutes les îles islandaises sont pas forcément colonisées non plus. Hein. Elles sont pas dans le petit archipel duquel elle fait partie. Celle-là, je crois qu'il y a qu'une seule autre île qui est colonisée. Et le reste n'est pas utilisé du tout. Il y a personne dessus. Vraiment personne. Ah, mais peut-être que ça viendra au fur et à mesure du temps. Peut-être. Oui, pourquoi pas. Après, il y a personne. Je crois que les gens se battent pas pour aller en Islande, donc ça m'étonnerait qu'il y ait besoin de place. Mais pourquoi mais pas. Les goélands, eux, oui, se battent pour aller en Islande. Ah, eux, ils ont trouvé la bonne planque. Vous savez ce qui coûte moins cher qu'un cornet de frites ? Eh bien, c'est de soutenir le courrier de la Sterne. Parce que si vous avez apprécié cet épisode qui se termine, eh bien, vous pouvez retrouver les précédents sur toutes les plateformes de streaming, également sur YouTube. Vous pouvez également commenter l'épisode si celui-ci vous a plu. Ce sera dans la section YouTube. Parce que oui, cet épisode se termine là. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. On espère qu'il vous a plu. J'ai pas de générique d'Inspecteur Gadget parce que sinon on va avoir des problèmes de droits d'auteur, Sophie. Oh non. Donc on restera sur le générique. Tu peux le bruiter à la bouche si tu veux. Allez, Gadget reviendra peut-être pour un nouvel épisode. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus. Tout doudou doudou, tout.